Ah. Et c'est quel 13 ici? Et lisons le verset 1 à 7. Tosanga, yambo, kinosambo. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu, mais les prophètes d'Israël. Les prophètes du Congo. Mais ce ne sont pas des dieux, mais ils sont du Congo. Les prophètes de la Tanzanie. Les prophètes du Nigeria. Les prophètes d'Afrique du Sud. Mais ils ne sont pas envoyés de Dieu. Mais leur nation, leur pays, les reconnaissent comme des prophètes. Israël aussi, il y en avait trop tant. Israël, les pays. Et il y a ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Et vous qui n'avez pas de la bonne mot. Vous êtes naïf, vous êtes parti. Quand vous avez un bête, vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Pamba, pamba. Vous bougez déjà. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous avez l'esprit faible, il y a modèle Wanaki. Pourquoi vous avez l'esprit faible? Atalio. Yo, vous avez l'esprit faible, il y a boy. Et puis, l'ikama boy, il y a l'esprit faible. Il y a l'esprit faible. Oui, vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous avez l'esprit faible. Vous Oui, mais vous êtes là. Oui, mais vous êtes là. Vous êtes là, prophète. Vous êtes là, prophète. Vous êtes là, prophète. Vous êtes là, amen. Vous êtes là, pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur, pasteur. Vous êtes là, vous êtes là. Hein? Et vous êtes la Bible. Alléluia, amen. Vous êtes pasteur. Tout le monde est dans les dos. Eh, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur. Vous êtes là, vous êtes là. C'est ça, on est comme ça. Trop léger. C'est une race de l'enfer qui va vers la perdition. Mourdis du démon de danse. Bango va swami na matenga na mabila. Ils n'ont pas la paix quand ils ne dansent pas. Bazali na kinga te. Voilà ma femme. Parce qu'ils savent même pas que la danse est un démon. Bah, du coup, tu sais, tu es ma bine, encore que vous allez perdre. Si on n'est pas, tu ne sais pas, comment tu vas t'en débattre? Bah, du coup, tu sais, je vais me rendre en gros. Je ne connais même pas la vérité. Bah, du coup, tu sais, le coup. Je vais vous connaître la vérité. Bah, du coup, tu sais, vous s'approchez. Je connais en gros, mais que quand vous la bine, amen. Jamais, moi, tu vois, n'a que le côté que ma bine est un démon. A quoi, ben, la wapi. Mais, ami, là, c'est comme un prophète. Et puis, ben, le bâtiment, il y a combien de prophètes, moi, tu n'as jamais. Attendez, tant que vous avez dit qu'on a dit qu'il faut être sérieux, ma grand. La légèreté, là, ne se payera pas bien. Hein? N'importe quoi. Voilà ce qu'il y a. Salam, les amis. Dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Hein? On doit dire à tous ces gens-là, ils sont dans la paille, dans l'ivraie du champ. Le Seigneur possède une vraie parole. C'est ce dont nos âmes ont besoin de nous. Qu'on nous dise ce que Dieu a réellement dit. Vous pouvez imaginer le Dieu du ciel venir mourir de pétage. Pétage. La religion de Choco. C'est pas possible les choses comme ça. Dans les églises, les gens qui tolèrent, ils pensent payer les offrandes là-bas. Ne vous pas ensorceler. Et vous venez donner les témoignages. Il n'y a pas la parole. Écoutez ce que Dieu dit réellement. Qui m'a écouté aussi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes échappés. Ils sont maudits, ces prophètes fous. The prophet stupid. Ils sont maudits. Galates 1 verset 8 à 10. Que le soit maudit. Et l'église doit dire amen à ça. Motei nani ango kuta wapi? Tukazaga na komba Branham na mulungu naye batemidi soa. Esalaga na komba Frank tu nani? Oya kote ya Matia mujuzi ke oyo Paulo na Petro bateya ala kila mama be. Amen. Et toi kwa ni message di amen. Wewe ndiye mtangulo wa Mungu Mungu. Siko yo ozole kolanda vérité fondamentalité ulinga basanga changa. Essentiel batangeli yo situation et si babalusa yango omona kati. Si nous voit toujours rien. Et Dieu fait. Les citations ont leur contexte et leur vérité divine. La vraie parole dit, maudit soit ce prophète. Et toi tu dois dire amen. Faut que nous voyons ma maudit ou un athée. Quand on a été, pas allé déjà maudit. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Bah, il dit, il ma voyant et pas il n'aille. Mais nous sommes ensemble, par mon quel côté. Il y en a qui ont été impressionnés, oh, mon élingaï. Le col à mon élingaï, Zamba la Kessie. Et puis il y a eu son Zamba la Kessie. Mais Dieu ne lui a rien montré en réalité. Dieu ne lui a rien montré. Zamba, c'est mort. La balanceront comme ça. Bango va copier mon autre endroit. Tester comme ça, et tu seras. Parce que tu es léger. Et tu vas le pépeler. Rabbi toi du sommeil. Amoukana pondu. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Oui, bah, c'est nous qui Il y a un temps de rassemblement des élus qui viennent. Il y a un temps de rassemblement des élus qui viennent. Où dans le grenier, il y aura que des vrais blés. Tous les fossiles seront foutus dehors. Tous les faux croyants dehors. Les civils croyants, croyants et non dehors. Les chrétiens d'apparence qui ne vivent pas la parole dehors. Seuls les élus seront rassemblés là. Les élus seront rassemblés là. Ceux qui attendent ce temps des rassemblements. Prophète, maintenant, mon élagi gaï. Zamba la gisagie, Zamba loi. Il y a Bible. Voilà. Ça y est ici. Il n'a pas dit. Non, le verset 4. Oui, oui, ça y est. Basta kouina bino, bajalaki le kola bi kange katina li bebi. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Ça ne veut pas intercéder correctement contre les péchés, les abominations qui commettent dans la ville. Zamba pamoli ayena di mamunene neglise zamba zo lokum zamba pamoli musala na ye apre si sele mbiso musala na ministere akota na kabina ministre oye longa te sala miso ke de bitis comme ça ba zay mo vene mas ke tele ningwana oye longa te elonga tout ça endormi spirituellement elonga ayena mulimu bala tonga mulimu it is aussi elonga Mais profondément endormi au plan spirituel. L'autre, je l'ai entendu, avec une langue bizarre. Ça, là, c'est représentant légal de l'église et des réveils au Congo. Mon sal ici, il y a l'église à l'eau et à la mouquille. Ah, voilà, mon Congo. Je connais même son nom, je ne vais pas citer. Naïe, écoute, comme vous l'avez. Représentant légal, écoutez, de l'église des réveils au Congo. Mon sal ici, il y a l'église à l'eau. Avec une langue grisée. Comment on peut tomber dans un caniveau trop bas comme ça? On est à la tête de l'église des réveils. Ce n'est pas l'église des réveils, c'est l'église des sommeils du Congo. Ils endorment les gens avec plein de distractions et de fausses expériences. Tout ça au nom de Jésus. Soyez délivrés-le. Le vrai réveil, c'est son message. Matthieu 25, verset 6. Matthieu, au milieu de la nuit, un cri s'y entend. Voici l'époux. C'est la vie de l'époux qui émet ce cri. Dans le Christ de l'Orient. La vie de l'époux qui émet ce rôle. Qui est la marque bien au piège. L'époux est à la porte. Et toutes les vierges se réveillent. Vous vous réveillez à l'appel de l'ami de l'époux. Lors de la première de Christ, l'ami de l'époux était Jean-Baptiste. Et le même Jésus qui avait envoyé Jean-Baptiste, c'est le même qui a envoyé William Branham pour sa seconde venue et qui lui a donné ainsi le titre de l'ami de l'époux pour notre nom. La commission première disait la même question, moi, Jean-Baptiste. Entre parenthèses, c'est l'ami de l'époux. La première venue. Préparera ma seconde venue dans le monde entier. Si les vierges doivent se réveiller maintenant, le seul réveil valable, c'est celui que son message enseigne. Je ne suis pas fanatique, mais je suis véridique. La Bible a prévu parce que le système réponse. Écoutez la véritable parole de Dieu. Il y a un message de réveil. Qui ouvre les yeux, te permet de voir clair dans les domaines religieux. La démonologie dans les domaines religieux. La démonologie dans les domaines physiques. Le message est clair. Comme c'est écrit dans les psaumes 119. 119 verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Ton message révèle le mystère de Dieu. Révèle le mystère du royaume. Le mystère de l'évangile. Il n'y a rien d'autre qui révèle. Recevez ça. Reçois le réveil de ton temps. Sortez de ce temple de sommeil. Des églises d'endormisseurs. Qui contribuent à la propagation des abominations sur la terre. Et une femme qui porte le pantalon est abominable aux yeux. C'est écrit dans Deutéronome 22 verset 7. Quiconque fait ce tour est en abomination à l'Éternel. Mais allez dans votre église soi-disant de réveil. Les abominations prospèrent. Il y a même une compétition de couture et de pantalons d'âme. Et des pasteurs poules mouillées sont là à côté. Oh, c'est bien habillé aujourd'hui, vraiment. Ça mène à la pomme, ça mène à mon aïe. En pantalon. Il y a là-dessus. Et toi aussi tu acceptes et tu dis amen. À ça vraiment. Pesa, au pambo la maille, du boma. C'est tout ce qu'il faut là-bas. Nous sommes tous là. Nous sommes des mendiants. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Qui nous change et condamne nos iniquités. Qui nous sépare des abominations. Mais eux, ils se donnent une foule de docteurs selon leur désir pour écouter les fables. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront amenés à croire le mensonge et condamnés. C'est la parole qui les dit. Sachez-le. Aimez la vérité quand il vous est présenté. Le message de réveil, c'est celui que prêche Branham. Tout le reste, ce sont des endormisseurs et des faux prêches. Disons amen. L'Obana nous amène la vérité. Amen. Oh, mais on est un colo à l'obin à Bosolo. Au moins, il y a un colo à l'obin à Bosolo. Vous ne voulez toujours pas voir. Bon, les communautés. Alors, on va nous comparer. Au pasteur, on a vu ce que vous avez à la bisauté. Oui, au moins. Oui, au moins, vraiment pasteur. En tant que pasteur, quand tu n'as rien. Au Lokamakala. Et puis, on est à qui dit ça, mon toit, local, à ça, qu'on fait autre. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. J'aime bien son capitre. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous rappelez le mal mal et supplier le changement qui vient de Dieu. Que le peuple change, qu'il naisse de nouveau. Vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël. Donc le bouclier protecteur que nous devons brandir, c'est la parole de Dieu. Vous devez être gardé sur la parole de Dieu. Vous ne vous prêtez pas soi. Nous opposons la parole comme il faut. Il faut fortifier. Jingle la main à l'iloba. Battez la main à l'iloba. Tant qu'on a, m'ngouna voyez que le mouhibi, parole comme bima, et qu'on zingue la yo. Que la parole te garde. C'est pourquoi nous aimons venir ici. Pour demeurer ferme dans le combat, au jour de l'éternel. C'est par la parole que vous tenez le faire. C'est par la connaissance de Dieu, vous serez enfermé là-bas. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Tenez ferme dans le combat. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, par le bien. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu seras allé? Les visions sont vaines. Et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a pas envoyés. Zamba Tindayete, Mazo se permet de voir son Zamba Lobi. Zamba Lobi Nini, Yo Moutou, Zamba Tindayote. Donc, nous sommes mis de la part de Dieu. Dieu qui ne te connaît pas. Et tu ne me parles pas, il ne sera pas. Il ne t'a pas envoyé, mais tu ne me dis que Dieu a dit, il a dit ça. Les menteurs. Il y en a dans les milieux religieux, plein comme ça. Mais la tâche de l'assemblée, les mines bongo. Mis son gant, donc il y a quoi ça? Courage, courage. Après, ils sont, Zamba, il est gai. Zamba, l'Oban, gai. Bon, aïe. Mais Dieu n'est pas envoyé. Zamba, c'est juste. Tu me dis quoi de la part de Dieu qui soit valable? Vous allez pour le grand ami, mais il est en Zamba, vous allez pour quoi ça? Ne les écoutez pas. Vous, ça va monter. Demain, on a un bongo, puis j'allais pendre. Peko sakura na bango eja ino kuta. Bako sakura kaete yawe alubiboye. Ata yawe akimba kibangote. Pour venir me dire Dieu m'a dit il faut que tu sois un envoyé de Dieu. Tu n'es pas un envoyé de Dieu, tu veux me parler de Dieu, pour comment je t'écoute. Et quand on écoute, on va vous êtes incrédules. Je vous ai dit, vous êtes des incrédules. Nous sommes des croyants de la Bible. On doit opposer la parole, la vérité à tous ces gens-là. Comme a dit Paul au sujet de la Crète, beaucoup de faux discoureurs, et des contradicteurs auxquels il faut fermer la bouche. Mais ceux qui ont la ferme saloté, prédicateur du message. Tellement poissé, abéni. Selon la chair, donc abalaki des grandes serres. Nous tournons ensemble, c'est le même qu'on a onction, azoté. Mais aïe, bien, ça n'a pas l'été. Tant qu'on va se faire tourner, à Fongoli, à Fongoabifé, le but. Tout le monde pour l'aider. Ceux qui ont fait le moussaloté, bah nous, bah nous, bah donc, à ta qu'on appelle les athées, il faut qu'à ça l'amour, pour ce qui était, bah non, bah vous faites ça. Ne pas faire ensemble, on a. C'est ça? Voilà. Que Dieu nous aide. L'ambassade, on a dit ça. Tant qu'on a dit Fongolami, sur ça là, nous sommes dans un temps dangereux. Vous allez attendre les messages sont infiltrés. Et si trop de farceurs autour de nous. Bah, c'est la paille et les vieux richards. Bah, allez, Matisse, où il y a. Mais ça, c'est où il y a. Le vrai Dieu existe. Dieu le couronnera et le récompensera. Prenez ferme dans le combat. Vous êtes là, vous changer de position. La plupart de vos frères, le message, ou appel au ministère, ou certaines frères commencent à se fatiguer. Frère, n'ayez pas honte de la vérité. Même si vous ne resterez que seul, tant que vous savez ce qui est juste, défendez ce qui est juste. Si Michel le prophète avait aussi résonné comme ça, il aurait ne commettez pas la bêtise. Soyez ferme. Si priez que Dieu amène le changement, c'est ceux-là qui ne connaissent pas la vérité. Qui sont dans les abominations et les scandales. Qui sont dans les iniquités. Que Dieu les délivre. Tenez-vous dans la brèche comme Dieu exige. Levez-vous. Ne nous fatiguons pas. Courage. Courage, mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Ne faut pas suivre la tendance populaire. Il ne faut pas tenter par ce que la plupart commence à faire. Nous sommes infiltrés. Gardez la semence originale. Tenez ferme dans les combats. C'est ce que Dieu dit. Et tenez-vous dans les brèches. Construisez un mur. Construisez un mur. Construisez un mur. Construisez un mur. m'a dit, nous avons levé les barrières et les cochons sont entrés. Comment avons-nous fait ça? Nous avons enlevé les barrières et les moutons sont entrés. Et toute espèce d'animaux. Mais c'est pourtant l'enclos et la bergerie du Seigneur. Comme on l'a entendu dimanche passé, seuls les rachetés devaient passer par là. Les délivrés du Seigneur. Comment maintenant nous sommes envahis? Parce que nous avons enlevé les barrières. C'est la parole qui est notre bouclier. C'est la vérité sur votre défense. N'ayez jamais honte de la vérité. Voulez-vous? Défendons-la et soutenons-la toujours. Les visions que vous avez ne sont-elles pas belles? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites... L'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Voilà ce qu'on sait. Verset 7. Et il faut espérer que leur parole s'accomplira. Ce sont des menteurs. Ne les écoutez pas. Préparez-vous, dit le Seigneur. Trois sortes de croyants. De 24 novembre 1963. C'est la raison pour laquelle. Je crois que quand l'épouse est appelée, est élue, est placée dans le livre de vie, il viendra du ciel un son. Il mettra dans cette épouse un tel baptême du Seigneur. Une telle puissance suprême. Croyez-vous la promesse ici? Tenons ferme jusqu'à ce moment-là. Pour ça, le compromis, c'est que l'embâté. C'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse, la véritable épouse de Christ, élue et placée dans le livre. Confirmé, identifié dans sa position de lui. Manifesté comme élu du Seigneur. Il viendra du ciel un son. Il mettra dans cette épouse un tel baptême du Seigneur que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Doit-il y avoir des enfants de promesses pour y croire? L'appel c'est fait. Toutes les veines se sont réveillées. Le bon et le mauvais. Le sage et le folle. Jusque-là, on se distingue pas bien. Mais le travail par la parole est en train de nous distinguer. L'écart est en train de s'enfoncer. Tout le processus sera vers sa fin. Il viendra du ciel un son. Et tout le monde qui entendra ce son promis. Mais ce nom, c'est le message, mais tout ça, on parle de dénomination, église. Ok, les caca. Tout ça, il me passe même Zembo, tout ça, même Bible, tout ça, la citation, beaucoup m'empater. Ok, mais. Distinction, Zoya. Quand maintenant ce son promis va ressentir, il y a que les véritables membres scellés du Saint-Esprit. Ils l'entendront. Pour recevoir la portion restante du Saint-Esprit. Pour la cause, et tenir mon petit calier à venir mon santo. Ceux qui ont reçu les prémices ont droit à la plénitude. Ceux qui n'ont pas reçu les prémices n'auront rien à la plénitude. C'est là que la folie de plusieurs va devenir maximale. Il prendra du ciel un saut. Il mettra dans cette épouse un tel baptême du Saint-Esprit. Cela l'enlèvera de la terre. Dans la grâce de l'enlèvement. Voyez cette puissance. Ce n'est pas un moteur d'avion. Ce ne sont pas les ailes d'un oiseau. Mais il y a une puissance promise qui va venir. Et qui permettra que ceux qui doivent être enlevés seront sans avoir au-dedans d'eux un moteur d'avion, mais avoir sur leur corps les ailes d'un oiseau. Ce seront des humains transformés. Le temps vient et ça se fera. Vous voyez, la promesse de Dieu est fidèle. Alors, au paragraphe 85, peu importe ce qu'a dit la science, reconnaît tous ces astronautes et tout le reste, peu importe à combien de millions de miles ils peuvent voir, tout cela n'a pour moi aucune importance. Écoutez, il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Un ciel littéral existe. Scientifiques envoient les sondages là-haut. Les navettes spatiales. Le cité et consort. Et que ça vous dit qu'il n'y a rien là-bas. Tout cela pour nous n'a aucune importance. La promesse de Dieu est véridique. Dieu l'accomplira accessoirement. Prenez position comme ça. Vous n'avez pas honte de défendre la vérité. Même si la science veut vous contredire. Malgré tout ce que la science peut raconter, il existe littéralement un ciel là-haut. Littéralement. Et dans ce ciel littéral, il existe littéralement un Jésus-Christ assis. Là-haut là, qui descendra dans une forme corporelle, c'est une promesse. C'est Dieu qui l'a dit, il le fera. Écoutez, il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Écoutez, cela a beau sembler de la vieille histoire, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit. C'est ce que croit le croyant. Es-tu l'un d'eux pour croire ça? Toi, sœur, es-tu l'un d'eux? Dieu l'a dit. Et ça, là, c'est ce que croit le croyant. Et pendant ce temps où le croyant croit comme ça, livré du chat raconte les histoires. La paille aussi raconte les histoires. Mais les mariés, ils n'ont pas de vie à eux. Plus le processus de vie avance, voyez dans le dessin ici, dans les sermons, plus la croissance ici traîne et évolue, toute la vie qui était dans la balle, elle vient se concentrer dans le grain. N'a pas eu kuna. Ezo bima bima, po ya kokota malamu malamu, e fande yingela na kacha mkona ya solo solo. C'est pour ça que quand tu vois les autres là faire des choses, tu dis, ah, il y a mieux que ça chez mon Dieu. Omani wa pande kodi kofra makambo iyam yoke sha chez mon Dieu. Omani wa brana mes kolova osama oh iyam yoke sha avec mon Dieu. Toute la vie qui était là-bas doit sortir. Bon, mon Dieu, vous allez pouvoir faire le pima. Parce que la paille, la balle doit sécher. Oui, ok. Ma si tu te vas faire le calva. L'entrée du champ doit sécher. Ma si tu veux l'engager pour le calva. Et tout ça vient du fait que les racines du blé. Oui, ok. Tout ça, oui, on va faire. Les années qu'on vient, on va tout le meilleur doit aller dans le blé. Non, c'est un malangu, c'est vrai qu'il est le na, ma sangu. Matiti misusu ikauka. Milimu mabe wane visika bikauka. Toucheze doit sécher. Mais le pouce doit devenir vigoureuse. Masi na levale sengila kuma na makasi na piko penza. Nourri beka beka pa. Ayani mwene pala mwene pena koro. Vitamine. Yiba pese penza la vitamine. Enjolive. Yiba salile malamu penza. Angreche gao. Maleisa kuna mafuta. Nourri par la nourriture fraîche. Maleisa mina mwene yu ya piyo. Don l'aigle se nourri. Oyo pongo. Qui a la vie, qui a le sang. Qui apporte l'expiation et le pardon. Béni soit le Seigneur. Je lis encore ici dans Pourquoi crier par. Monsieur le 14 juillet, 1903. La page 8. Tout à l'heure, un homme m'a interrogé sur la venue du Seigneur et sur l'enlèvement. Hein? Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Le jour de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons la foi pour l'enlèvement. Qui unira les églises. Et leur donnera cette force surnaturelle qui pourra changer le corps dans lequel nous vivons actuellement. Voyez-vous ce que fera la foi dans l'enlèvement que nous recherchons. Nous aussi pour la rechercher. Parce que le jour de l'enlèvement approche. Et cette foi de l'enlèvement unira les églises. Voyez que ce qui se ressemble s'assemblera. Les vrais fils de Dieu se reconnaîtront entre eux. Quand le Seigneur commencera à nettoyer son air, alors ceux qui sont qui appartiennent vraiment au Seigneur verront qu'il y a des traits caractéristiques. Il faut qu'ils soient pareils et semblables. Et tous les ouvriers d'iniquité seront développés d'un côté. Livrés du champ. Paille. Voilà, du champ. D'un côté. Mais la vraie semence. Les élus du Seigneur. L'église épouse parole. Sera rassemblé d'un côté. Ayant la foi de l'enlèvement. Une foi qui vous interdira de passer par la mort. Comme un oca n'avait. Il ne pouvait pas mourir. Il devait être enlevé vivant. Comme Elie en avait. Il ne pouvait plus mourir. Il devait être enlevé vivant. Comme les saints qui attendent la venue du Seigneur l'auront. Et que cette force surnaturelle, sinon seulement unira les églises. Dans l'unité de la foi, c'est la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas une foi théologique. Au final, c'est la foi de l'enlèvement qui nous réunira. Attendant, croyez à l'enlèvement et nous partirons. Crois-tu ça? Ici, les gens cherchent des unités mécaniques. Ils sont venus allons à la Sikine. Offre Franck a dit que tous les... Chaque ville, il faut initier l'assemblée. Ils se sont moqués des autres. Oh là, c'est là. Ce sont des sonneristes. Et David, là, il est sauté là. David, là, il est sauté là. Ce sont pas qu'ils se sont moqués de nous. Les David, là, oui, faut pas les suivre. Vous voyez, ils ont dit, ils sont pas là. comme ça. Mais les gens ne veulent pas écouter, ils sont à dénigrer, à minimiser. Mais pensez à Kuna comme système de Wingé. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Maintenant, chacun est dans son coin. C'est triste. Mawa. On ne fabrique pas l'unité pour Dieu. Dieu, par sa parole, amènera l'Église à l'unité de la foi. Et ce sera la foi de l'enlèvement qui unira les églises, leur donnera une force surnaturelle, qui changera le corps dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que Dieu a trop besoin de gagner que notre assemblée croit sexuellement comme l'assemblée de tel endroit, de tout l'endroit. Le message a déjà dit qu'en tant que des humains, il y aura toujours des divergences. Mais il y a un point final qui nous converge. Ceux qui auront la foi de l'enlèvement seront enlevés. Quelle mentalité! Tenons ferme au combat. Le bout du tunnel est au proche. Le jour de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons la foi pour l'enlèvement. Qui unira les églises. Et leur donnera cette force surnaturelle. Qui pourra changer le corps dans lequel nous vivons actuellement. Écoutez ceci. Quand cette lumière traversera le ciel. Rapide comme l'éclair. Et que la trompette sonnera, le corps de Christ sera promptement rassemblé. Le vrai et unique corps sera promptement rassemblé. Le temps du rassemblement. Il faut que cette lumière-là traverse le ciel. Rappelez-vous comme le Christ. Quand ça se fera, le corps mystique de Christ épouse la parole véritable. Rassemble des cellules sera promptement rassemblé et changé en un instant et enlevé au ciel. Suivez? Oui, il doit arriver quelque chose comme cela. Mais nos écoles de théologie ne pourront jamais le produire, bien qu'intellectuellement ces gens soient très bien. Vous devez rencontrer cette lumière. Est-ce que tu entends? Amen. Ma cambo yo, est-ce que le gala yo, ou bien je concerne yo? Nde gomo bali moi. Ma cambo yo, tu y a fait profond au tozo, tangawa. Est-ce que le gala yo, ou bien mon est, est-ce que bongi sa yo, pour mon a, où est-ce que Dieu amène les siens bientôt? Et Dieu t'assiste. C'est vrai. Un temps de rassemblement, c'est bientôt. Les vivants en croyant en Christ seront rassemblés aux morts en Christ. Êtes-vous là? Je lis encore ici dans j'avais entendu, mais maintenant je vis. Le 27 novembre 1965, à un mois de la mort de Trevor Noah. Le 27 novembre 65, il est mort le 24 décembre 65. Alors écoutez ce qu'il dit dans le paragraphe. Le paragraphe c'est ça ici. Yo bien-aimé. En ce moment solennel. Un jour. Ce sera à un moment comme celui-ci que se fera réellement entendre un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre se fera entendre réellement. Et le Fils de Dieu, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra dessus. Et les morts en Christ ressusciteront. Sœur Branham priait comme ça un mois avant sa mort. Un jour, à ce moment solennel ici, je suis là. Na konganga ya commandement, cri de commandement, mongongo ya mwange likolo, na kelelo ya nsambe. Ça se fera comme ça. Et quand ça va se passer comme ça, et que le Vistre descendra comme ça, que la vie, et les morts en Christ ressusciteront. Et chacun de nous, nous savons et nous sommes conscients ce soir que nous aurons à répondre de chaque parole donnée et de chaque parole prononcée et même les pensées qui sont dans notre cœur, nous aurons à répondre. Je te prie, oh Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Purifie mon cœur et purifie le cœur de ces gens. Et que nous soyons prédisposés, Seigneur, et que nos yeux spirituels soient ouverts ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de lui. Tu es notre Père. Nous te prions de nous permettre de le voir. Accorde-le, Père. Accorde ses bénédictions. Je te prie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jour, bientôt, un tonnerre se fera entendre réellement. Un son viendra du ciel. Mettra dans l'église un puissant baptême du ciel. Cette lumière traversera le ciel. Et le corps de Christ sera promptement rassemblé. Voyez-vous les indications de la parole prophétique. Nous ne courons pas dans le vide. Nous n'allons pas vers la tombe, mais nous attendons nous la venue du Seigneur. Nous ne nous préparons pas à mourir. Nous à la transmutation. Nous allons alors, dans le départ secret et soudain de l'Église, le jour du 12 octobre 1958, écoutez encore l'interpellation pour chacun. Quelle est notre position ce matin? Pendant que nous faisons nos inventaires, ce matin, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce matin, avec le cri et avec la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps d'église? Ce qui baye bisoke na tongo alelo nenga to yanganiawo nkolo Yesu Kristo azokita kuuta na lola ndenge komambi wana na konganga yango na kriwo yona kri de commandement na mongongo ya mwashe na likolo pe na kelelo yanzambe soki ba yebisi liso bongo ke na tongo lelo nde ekosale mabongo est-ce que ndeko mobali toko belema en tant que nzoto ya lingomba est-ce que toko belema toko zala ko belema motuna en tant que corps église kozala ka nzoto ke pas seulement l'individu mais corps église serons-nous prêts toko belema serions-nous trouvés prêts en tant qu'individu aussi pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts. Le rassemblement question avec les morts. Est-ce que tu sauras te rassembler? Peu importe que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Yokambela, ozala yakobe le matote, kolo Yesu akoya na tango zamba chati. Quand on dit luka luka luvingi langa mutuko, c'est le train n'attend personne. Yo si mona machiniste appelez-moi wana. Po, azo zrande yo yana biro yo kokote. Bege ba pesi de paraki. Le temps aussi n'attend personne. Au temps marqué, le Seigneur va venir. Ma tango e fili kokata ma kola kozonga. Ah, italio, so ko lingo yo ka berti, ma italio. Ki dira pa ko numa pa di. Nous devons être prêts. Le Seigneur ko belema. Et nous devons l'être maintenant. Ne ko zala ngosa sa ipi. Ce n'est plus le temps d'attendre. Le temps ko zala ke. Nous devons racheter le temps et être prêts. Le temps mba ngose ko belema. Nous disons amen. Le belema ngo. Vraiment amen. Amen. Oh, miséricorde. Ouais. Alors, comme il a dit dans la prédication, l'enlèvement, ici au paragraphe 130, première partie, trois choses doivent se passer. Ça, c'est le 4 décembre 1965. À trois semaines de sa mort, l'enlèvement, il prêche l'enlèvement. Pas au Branham Tabernacle, mais à Youmaïe. Non pas comme une doctrine, mais comme un message évangélique. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Yambo, amonana, bamonaye. Misato, anane, foye, salamanan. Quelles sont ces trois choses? Un cri de commandement. Une voix. Et une trompette. Prenons l'écrit des commandements. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Je vous l'avais dit vendredi, non? Oui. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Mais ces trois choses doivent se faire avant que Jésus apparaisse. Donc avant qu'on le voie revenant. Vous voyez que ceux qui ont appliqué ça en 1963 ont tapé complètement. C'est comme si les trois choses étaient déjà faites avant que la nuée n'apparaisse. Donc le cri de commandement. Mais comment ça fait que le cri de commandement? Cette n'était même pas encore prêché. Jésus-Christ est apparu d'abord là. Et puis la voix d'archange. La voix de la résurrection qui ramène les morts à la vie. Oh, et la trompette de Dieu qui appelle au rassemblement. Tout ceci se serait passé avant 1963. On a mal expliqué un événement simple que Dieu a accompli. Détourner l'attention des enfants de Dieu de la vraie promesse qui vient. Jésus-Christ revenant avant qu'il ne paraisse au moment de sa venue même, il fera lui-même les trois choses. Avant qu'il n'apparaisse. Au paragraphe 129, il dit ceci, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ici. Notez bien, la parole dit ici dans 2 Thessaloniciens, il y a 3 choses. Du verset 13 au verset 16. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse dans son retour. Pour enlever l'église. Avant que ceux-là qui attendent son retour ne le voient paraître. Le cri de commandement. La voix d'archange. Et le son de la trompette. Et nous avons dit que ces 3 choses-là, Jésus-Christ les fera en même temps comme il avait fait devant la tombe de Lazare. C'est ce que dit notre prophète William Branham. C'est ce qui se répétera à sa venue. Non pas que Jésus a envoyé quelqu'un faire quelque chose. Mais lui-même s'est tenu devant la tombe. Il a crié, c'était le cri. Et d'une voix forte, c'était la voix. Et cette voix de résurrection appelait les morts à la vie. Et cela est conforme à ce qu'il avait dit. Quand nous avons considéré la promesse, dans Jean chapitre 5, terminons là-bas, ne vous fatiguez pas, Jean chapitre 5, je termine là, verset 25, et 26. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce ne sera pas tous les morts qui entendront cette voix à ce moment. Mais il dit ceux qui l'entendront vivront. Ce sera une résurrection d'entre les morts. Donc rien que ceux qui entendront, qui reviendront, mais les autres n'entendront pas. Il s'agit de la résurrection des morts en Christ qui est mentionnée. Elle se fera par la voix du Fils. Et c'est pas la voix d'archange. Et le cri de commandement, c'est un cri de rassemblement. Et il s'agit de rassemblement du blé. De l'épouse parole. Rien que de vrais fils et filles de Dieu. Rien que ça. Pas cet amalgame qu'on a ici. J'ai encore une confusion et une réservation. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Êtes-vous là? Nous sommes d'accord, non? Avec la vérité du Seigneur. La parole elle-même. Qu'elle nous clarifie tout ce qui doit être clarifié. Dans l'enlèvement, toujours au paragraphe 164, il dit, c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, devant la tombe de Lazare, hein, il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, il cria, Lazare sort. Voyez-vous? Et la même voix réveille l'épouse endormie. La même voix. Celle qui va réveiller l'épouse endormie, ceux qui sont morts. Au paragraphe 171. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Et le paradis fut supprimé. Les saints de l'Ancien Testament remontèrent à sa voix forte. Babutaki, hein? Quand Jésus mourait à la croix, n'a-t-il pas poussé un grand cri? Et faisant suite à ce cri-là, les villes se sont ouvertes. N'est-ce pas? Le sang de l'Ancien Testament. Le cri et la voix. Non pas qu'il crie aujourd'hui, pour que les témoins viennent dans 20 ans dans ce cas. Vous dites, attendez seulement, ça va venir. Il a crié à la croix le même jour. Et les morts ont répondu le même jour. C'est un cri de commandement. Ce n'est pas des explications kilométriques. On a 63, ça y est, il y a un ganga qui. Maintenant, c'est le gars qui va se croire. C'est quoi ça? Voilà, à la croix, ce n'était pas comme ça. Et à la tombe, ce n'était pas comme la ça. Quand il a crié, les effets étaient immédiats. Ne se formons pas la parole. Tu peux à cause de doctrine, il vient de dire je ne sais où. Où se prend des histoires, je ne sais où. Les saints de l'Ancien Testament. Les montagnes à savoir fort. Lorsqu'il cria, il rendit l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés. Vous avez entendu? Croyez que cet agneau parfait allait venir? Pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice? Et quand il mourut, il rendit l'esprit. Il cria d'une voix forte. Le cri et la voix, criant d'une voix forte. Les deux, cri et la voix. Et le saint de l'Ancien Testament se réveillait. Il dit alors, c'est le prophète qui continue, observez ici le cri de commandement et la voix. Ce qui s'est passé ce jour-là au calvaire, cela se répétera à sa venue. Cela se répétera à sa venue. Cela se répétera à sa venue. Et c'est ce temps de rassemblement des morts ressuscités avec les vivants qui peuvent être enlevés. C'est ce temps de rassemblement que nous attendons. Alors heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Es-tu l'un d'eux? Veux-tu attendre? Heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Voyez-vous, il rendit l'esprit, après quand il est venu, était alors parfait, et le paradis se vida. Le paradis et l'Ancien Testament revint sur la terre. Et il marchait sur la terre, et entrait avec lui. Voilà ce qui se répétera à la venue du Seigneur. Ça se répétera. Ce n'est pas dit déjà fait. Mais ça se répétera. C'est amen. Amen. Le Branham a dit ça et 3 semaines après il est mort. Bon, vous venez changer le message qu'il a prêché. Et nous saurons qui vous êtes. Un prophète maudit qui change l'évangile qui a été ensemencé. Non, il y a une question. Cher pasteur, que dire des prédicateurs qui prêchent souvent dans les bus? En commençant par la Bible, pour terminer avec la demande de l'argent pour les orphelinats. Dieu seul sait si c'est pour les orphelinats. Qui contrôle ce qu'il gère et il donne compte rendu à qui? Aux passagers qui sont dans les bus, ce sont des diversions. Voilà les amis, des grandes distractions. Méfiez-vous. Okay, si vous voulez donner à un orphelin, à une veuve, faites-le vous-même. Amen. Amen. Faites-le vous-même. Quand l'église va assister les veuves, elle le fait aussi. Face à face. Que Dieu soit miséricordieux envers nous vraiment. Merci. Donc, la prédication de ce matin s'arrête ici. Désolé pour avoir pris beaucoup de temps. C'est pratiquement 3 heures de prédication. Alors que Frère Branham dit 8 heures de non, 1 heure de prédication. Ça représente 8 heures de dur labeur. Entre moi et vous, qui devrez se plaindre? Vous n'avez pas prêché. Qui doit être plus épuisé? Nana Seigneur Limbamingi. Une heure de prédication représente 8 heures de dire la bête. C'est Moussara Koukata Bilanga. Nata Moi Kobanda 8 heures qui se zère. Au moins, ils ont fait ma casse, ils ont fait ma casse, ils ont fait ma casse, ils ont fait ma casse, ils ont fait ma casse, pendant 8 heures du temps. C'est ce qui représente le travail que le prédicateur fait pendant une heure. Mais ce matin, vraiment, contre toute attente, je prêchais pendant 3 heures, depuis 10h15. Donc j'ai abattu un travail de combien d'heures? 24 heures, donc un jour plein de dur labeur. Un jour plein, sans repos ni rien. Donc na wuti ko kata bilanga na sa moi pe na sa butu na pongi na nosu na alite loko te na singa mikaka na zo kata bilanga butu moi pendant 24 heures d'affilée. Wana ngongo moko. Et vous me comprenez, non? Comment des fois avec ça, je peux oublier certaines choses? Ah, communiquer dans les quittés. M'bote dans les quittés, ça peut arriver. Et comment ça? Vous êtes plongé dans un travail. Vous êtes plongé dans un travail. Vous êtes plongé dans un travail. Vous êtes plongé. Il y a une petite faille qui on a dit dans la prédication. Et comment est-ce que vous êtes plongé? Et comment est-ce que vous êtes plongé? Oh, pasteur, vous êtes plongé. Donc, vous n'avez comme religion au Bosan. Non. On n'est pas forcément dans les mêmes conditions. Vous allez à l'enlignement au Salamakambo. Vous avez les problèmes qui se manifestent dans certaines conditions. Vous avez aussi vous qui avez dans l'enlignement au Salamakambo. Ni les pantés, ni s'y accrocher. Désolé. Malamingi Salamakambo Dépenza. Que Dieu vous bénisse. Dans la femme de la vie. Richement. Mingi. Que Dieu te fortifie. Dans la tête en Akassi. Parce que tu es aussi brave, non? Dieu vous a pris en Akassi que le cola. 3 heures d'affilée assis. Même pas se lever faire un petit tour. Parce que parfois ces gestes-là sont démoniaques, vous savez. Il y a des fois des démons qui vous font faire des choses comme ça. Pour juste distraire les mouvements de l'esprit dans l'église. Vous voyez? Plus d'une fois, je maîtrisais les esprits des démons dans le champ ici derrière. Plus d'une fois ici, le champ de frise qu'on a ici derrière. Les démons peuvent venir pour déranger le culte. Ils se mettent à voyer, un petit mot de prière. Plusieurs fois ici. J'appuie ici seulement des fois. Vous sentez ici. Lui commence là-bas. Allez, venez, Bobima, taisez-vous. Namboa, ayuga, comme on est sous Christ. Bongo yomoto. Et ça, les fêtes, et que ça les fait. Parole, yogi de la part du Seigneur, ça doit produire les affaires. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Nous aimons son nom, non? Il faut discerner les choses. Comprendre ce qu'il y a. Que Dieu te donne la compréhension. Et des yeux ouverts pour voir. Lève-nous pour la prière. Cantique Hosanna numéro 169. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tengo tu cambio la colo. Pour le même. Nous soignons au Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous sommes confiants en tes promesses. Tout ce qui est écrit d'avance et que tu vas accomplir fait partie de ton programme divin. Et de nous ouvrir les yeux pour voir cela et de faire retentir le son à nos oreilles, nous nous sentons souvent indignes. Car tu as caché ces choses aux sages aux intelligents. Tu as prévu de les révéler aux enfants. Et les choses révélées sont à nous. Mais les choses cachées sont à l'éternel. Nous laisserons ce que tu as caché à toi. Mais ce que tu nous as permis de connaître, nous ne voulons ni tripoter cela, ni falsifier cela, ni pervertir cela, ni altérer cela, ni rejeter cela, mais nous voulons tout recevoir. Chaque vérité a sa vraie place. Sans mélange. Car pour avoir les enfants de Dieu, tu veux la parole pure, la semence pure, la parole de vérité divine, sans mélange. Laisse que chacun comprenne cela et ne puisse plus prêter oreille à n'importe quoi, ni mettre dans son cœur, dans son âme, n'importe quoi, qui peut détruire son identité. Attache-nous à ta voix. Attache chacun à ta parole. En toute fidélité. Jour après jour. Rends-nous fermes au combat. Révèle-toi davantage à chacun. Pour que les exploits promis deviennent manifestes. que nous ne puissions pas parler de toi qu'en théorie, mais que nous ayons des témoignages concrets. Et que nos témoignages ne soient jamais gérés comme des distractions. Pour nous faire oublier l'essentiel, ce qu'il y a devant nous, mais qu'il soit correctement utilisé pour vanter la parole, pour glorifier la vérité, pour adorer le Seigneur, l'auteur des miracles, et nous pousser en avant jusqu'à gagner la dernière bataille. Soutiens-nous, Seigneur. Que notre vision soit futuriste. En avant, oubliant ce qui est passé. Marchant fidèlement pour vaincre jusqu'au bout. Exauce la prière de chacun. Maintenant que ce temps de rassemblement vient, toutes les indications prophétiques viennent de lui. Ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui peut échapper à quelqu'un. Dans le moment où c'est lui ou c'est prêché. Mais il y a des choses que tu feras certainement. Dans le domaine surnaturel. Alors que si une âme n'est pas connectée, si elle n'était pas branchée à ton programme, elle ne pourra rien saisir de l'événement. Ça se passera sans son apercevoir. Aïe pitié Seigneur. Pendant le temps de formation, pendant semencement, que chacun prenne les meilleures précautions, qu'il prenne la bonne position envers la parole de vérité pour la soutenir à la croix, pour la méditer en profondeur et s'y conformer comme il se doit. Pardonne nos péchés. Amen. Sois tolérant envers nos failles, Seigneur. Nous voulons ni les défendre, ni nous y accrocher. Mais nous demandons du secours contre la détresse. Chaque jour, tout est en Seigneur. Chaque nous tout pour. Tu sondes nos cœurs, tu les connais. Nous voulons la perfection. Nous voulons être irréprochables. Que tout soit correct. Et nous croyons que par grâce, nous y parviendrons. Comme tu nous as montré ce matin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et toi, Dieu, tu es grâce à nos ennemis. Répands ta bénédiction pour tous ceux qui attendent sincèrement le temps de la où cette lumière mystique traverse le ciel, où ce tonnerre divin rétablira réellement le Fils de Dieu descendra comme prévu. Oh Dieu, fais comprendre ces vérités profondes à chacun pour boucher les oreilles aux tromperies des hommes, aux demi-vérités. Fais pénétrer ton message dans nos cœurs et que chacun reçoive le réveil comme un puissant réveil avec des effets dans les délais. Chaque commerce de Dieu en son temps et ta fidélité nous serve de bouclier. Exauce chaque prière, Seigneur. Je te présente chaque frère. Chaque soeur qui n'est pas en ordre, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, a épuisé de son âme, parce que tu lui as permis d'entendre cet évangile, tu ne sois pas indifférent pour continuer le formalisme. Touche le cœur, Seigneur. Enlève toutes les tendances de la paille. Pour le comportement de l'ivraie du champ, donne-nous le comportement d'ivraie. Le blé du champ. Masango et langa. La vraie semence. Donne la nature d'enfant de Dieu. De vrais croyants. Restaurer en cet âge. Nous te supplions. Pour que tu aides l'église, en tant que corps local, à se remettre en cause, pour être prêt, au moment de ta venue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et croyons en toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, et que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.